Et puis, on a ces deux verbes amis. Quels sont ces deux verbes qui vont de pair? Vous les connaissez. À la première personne du singulier, donc avec je, au présent, c'est Hago. hago. Et Digo. hago et digo. Ces deux-là sont des bons amis. Hacer et decir, hago, je fais, et digo, je dis. Et ils sont trop courts pour ajouter un de au milieu, au futur et au conditionnel. Alors, pour dire par exemple, demain je le ferai, on dit Mañana lo haré. mais il vous faut quand même accentuer la terminaison. Il faut frapper la dernière syllabe. Lo haré. Lo haré. D'accord. Mañana lo haré. Demain, je le ferai. Et je ne le ferai pas. No lo haré. No lo haré. Et si j'étais vous, je ne le ferais pas. Je ne le ferais pas. No lo haría. No lo haría. No lo haría. Nous ne le ferions pas. No lo haríamos. Bien. No lo haríamos. Et nous ne le ferons pas. No lo haremos. No lo haremos. D'accord. Alors, maintenant, quel était l'autre verbe qui va avec? Decir. Decir. Qui donne digo pour je dis. Alors, je vous dirai plus tard. Le dire. Essayez encore une fois en frappant la dernière syllabe. Le dire. D'accord, le dire. Qu'on soit au futur ou au conditionnel, on frappe la terminaison. C'est-à-dire que on insiste dessus. Donc, le dire. Plus tard. Más tarde. D'accord, le dire más tarde. Il ne me le dirait pas. No me lo diría. Dit, diría, parce que c'est digo, dit, di. Donc, no me lo diría. D'accord, no me lo diría, il ne me le dirait pas. Et nous ne vous le dirions pas, a usted. No le lo, non, no se lo diríamos. Réessayez. No se lo diríamos. D'accord. Encore une fois. No se lo diríamos. D'accord. No se lo diríamos. Nous ne vous le dirions pas. Et comment direz-vous « je l'aurai demain » ? Lo tendré. D'accord. Mañana. C'est ça. Lo tendré mañana. Dites-le encore une fois. Lo tendré mañana. Lo tendré mañana. Je l'aurai demain. Très bien.